Chapitre 26. Page 187. Exercice 4. 1. C'est vraiment une excellente chose que nous ayons trouvé cette école pour nos enfants, car ils s'y plaisent beaucoup. Nous avons eu beaucoup de chance. 2. Cela faisait plusieurs jours que l'artiste cherchait une idée et subitement, elle est venue. 3. Alice admire énormément son grand-père, qui sait tout faire, ou presque. Elle le prend comme modèle. 4. La jeune fille est partie faire des études en Amérique latine, avec l'approbation de ses parents. 5. Ce n'est pas la peine de me dire qu'il faut faire du sport pour être en forme, puisque c'est ce que je fais.